Un piano qui s'égare dans la nuit du silence. Un sourire, un regard et tout qui recommence. Le céleri qui s'enfuit, le printemps qui renaît. En effaçant la pluie de tes yeux qui pleuraient. Sur ton berceau, un soir, une fée s'est penchée. De la Biélorussie à la rue du Rocher, le destin a voulu par nos chemins croisés qu'un beau jour l'on connusse une telle complicité. Et ton corps qui sourit, qui ne tient pas debout, qui me suit, me poursuit dans mes rêves les plus fous. Février en couleur, un zeste de bonheur. Pourquoi chercher si loin celle qui me tient la main? Un piano qui s'égare dans la nuit du silence. Un sourire, un regard et tout qui recommence. Le ciel gris qui s'enfuit, le printemps qui renaît. En effaçant la pluie de tes yeux qui pleuraient. De tes yeux qui pleuraient.